Et salut, c'est l'heure d'écouter l'émission des litres de salive sur le 89.5 de Radio Audio. Ce soir, c'est Radio Nostalgie du cul dans l'émission des litres de salive. Je vous explique après le jingle. Des litres de salive, pour faire glisser des mots, pour humecter des muqueuses, lécher des plaies et cracher sur l'amour. Et on cracherait dessus jusqu'à le réhydrater, jusqu'à ce que le petit haricot sec, radin, hétérocentré, hétéronormé, hétérochiant, devienne un joli truc tout palpitant, luisant, doux et rebondi qu'on aurait envie de glisser entre nos lèvres. Alors, je vous explique. J'ai trouvé l'autobiographie de Coralie Trinti dans une zone de gratte. Et c'est une personne que je connais d'abord pour avoir réalisé Baise-moi avec Virginie Despentes. Et aussi parce que elle est présente un peu dans d'autres écrits de Virginie Despentes. Voilà. Du coup, j'ai eu envie de lire ça, en fait. Donc Coralie Trinti, elle a fait du porno. C'était un peu une star du porno des années 90. Elle a fait d'autres trucs de TDS, c'est travail du sexe, avant des trucs de TDS d'avant Internet, par exemple des exhibitions pour des types, et de la correspondance de cul et du téléphone rose. Dans son bouquin, elle parle de sa vie de ses 15-16 ans à ses 25 ans environ. Elle parle du porno, mais pas que. Elle parle de ses réflexions, de sa vie amoureuse, de son très grand amour pour The Cure, de philosophie, de son image publique et des gens qui ont des comportements absurdes avec elle. Voilà. Et ça m'a fait repenser de lire ça à plein de trucs, à la pornographie en général, à ce que c'est le début de la vie sexuelle, à King Kong Theory, enfin à plein de trucs. Et c'est un peu comme des photographies des années 90-2000 de comment ça pouvait être le milieu du porno pour certaines personnes à une certaine époque. Et aussi, comment c'était la culture autour de la sexualité à cette période. Ça me parle parce que c'est un petit peu mon adolescence, même s'il y a un petit décalage temporel. Hein. Je suis un poil plus jeune, mais ado, je lisais les bouquins de Despentes en boucle qui se passaient dans cette époque, dans cet univers, dans ce genre d'ambiance. Et puis voilà, l'adolescence avant le smartphone, la découverte de la sexualité avant d'avoir accès à de l'information et surtout à une diversité d'informations, tout ça. Et donc, c'est la parole directe d'une meuf qui partage son expérience. Accessoirement, c'est plutôt sympa à lire. Donc, ce soir, on parle de la nostalgie du cul. Mais quand même, je crois pas spécialement que c'était mieux avant. Et dans cette émission, je vais lire des extraits de cette biographie. Et puis, je vais raconter un peu des expériences et des réflexions perso. On commence avec une première lecture où Coralie Trinti, elle parle de son premier tournage et de sa première interview pour un magazine de sexe. J'étais mûre pour mon premier tournage. Rocky, ravi, m'a écrit un scénario sur mesure avant la fin de l'été. La chose s'intitulait « La cartomancienne baise comme une chienne ». Toujours cette facétieuse poésie. Je n'ai même pas protesté sur le titre, consciente du mal qu'il s'était donné pour me plaire. Il m'avait souvent vu tirer les cartes à mes moments perdus. Le scénario était moins original que le titre. J'étais diseuse de bonne aventure, je recevais un homme seul, une femme seule, puis un couple à qui je prédisais, évidemment, un avenir luxurieux. Tout cela finissait par une partouze générale dans la salle d'attente de mon cabinet. J'étais prévoyante. Et à la fin de chaque entretien, je fixais un second rendez-vous pour le lundi suivant. J'étais ravie d'avoir un texte à apprendre et des indications scéniques. Comme un jeu de rôle grandeur nature. J'adorais les mises en scène et cette fois, c'était un vrai petit film. Pendant l'écriture du scénario, j'essayais d'inculquer des notions de cartomancie à Rocky. Je voulais qu'il sache qu'on ne prédit pas l'avenir au sens strict du terme parce que personne n'écrit l'avenir à notre place. Je tenais beaucoup à ce que le scénario soit crédible et j'ai eu beaucoup de mal à l'intéresser. un autre film serait tourné le même jour. Les masseuses suceuses. Finalement, je ne m'en sortais pas si mal avec ma carte aux anciennes. La dernière semaine, je stressais comme une folle à l'approche du tournage. J'avais un grave problème. Rocky m'avait donné le scénario final, mais mon texte, mes prédictions, elles avaient été corrigées pour épargner ma sensibilité mystique. Je me contentais d'allusions ambiguës à un futur immédiat ou d'analyses psychologico-sexuelles. Mais je ne connaissais pas le tarot de Marseille, les prédictions nécessaires au déroulement des événements devaient trouver un support, alors j'ai passé des jours plongé dans le manuel du tarot pour préparer des lectures qui correspondraient approximativement au dialogue. Mortifiée, j'ai dû me résigner à des interprétations superficielles et fumeuses. Nous tournerions les quatre scènes dans la continuité. En une demi-journée, je ne voulais pas de sodomie. L'envie me prenait parfois, mais de manière exceptionnelle et imprévisible. Par chance, Caroline voulait en faire une. Aussi, il y aurait de l'anal dans ce film ambitieux. Au début de la première scène, j'ai méticuleusement préparé les cartes. Et le cadreur m'a informé qu'on ne distinguerait jamais les figures. Il n'était pas prévu de faire le moindre plan dessus. C'était du tourner-monter, tout en continuité, avec des coupures seulement si nécessaire. Alors, j'ai réalisé que personne ne se préoccupait de taromancie et que j'emmerdais tout le monde avec mon perfectionnisme absurde. Nous savions tous parfaitement notre texte. En vérité, je n'ai jamais joué dans quelque chose d'aussi écrit chez les professionnels. Et puis nous sommes passés au sexe, enfin. Je pensais bien à surveiller ma coiffure, je ne voulais pas qu'on voie que j'avais la moitié du crâne rasé en phase de repousse. Cela pouvait détourner l'attention de mes futurs spectateurs. J'ai d'abord baisé avec Laurent, qui peinait un peu à mon grand désespoir. Au final, la panne. Il gâchait ma scène. Impossible de filmer l'indispensable éjaculation. Nous ne pouvions pas y passer toute la journée, Rocky a révélé le grand truc du lait concentré sucré, un effet spécial incontournable sur les plateaux de X. Le cadreur qui voyait l'heure tourner abondait dans son sens. Il suffisait, toujours dans le système tourné-monté, de reprendre sur un gros plan de visage du déficient et de descendre sur ma fellation. Je recracherai le lait concentré sucré préalablement mis dans ma bouche. J'étais écœurée. Je détestais cette pâte gluante et sucrée, mais il en allait de mon film. J'étais désagréablement surprise que le résultat dépende à ce point du partenaire. Il faudrait être plus sélective. Pendant la scène du couple, j'enviais Caroline. Je me contentais de guider les ébats du couple alors que François avait la bite collée au ventre. Caroline était incroyablement extravertie. Elle parlait, elle criait beaucoup. « Oh oui, j'aime ça, c'est bon !» en fronçant les sourcils. Elle prenait des poses insensées et embrassait en sortant la langue. On aurait dit un film porno. Diable, tout était donc parfaitement normal. Et excitant, mais d'une étrange manière, car on ne croyait pas une seconde à ces démonstrations excessives. François éjaculait sur les fesses de Caroline, et je les ai entraînées dans ma salle d'attente où nous attendaient mes deux consultants précédents. Je ne me suis pas approchée du défaillant. Caroline et Nathalie s'y sont mises à deux, s'épuisant en vain pendant que je montais François. Finalement, Caroline a lâchement abandonné Nathalie et la queue molle pour me rejoindre sur la queue d'acier. Il a fallu encore truquer son éjaculation alors que François jouissait déjà pour la seconde fois. Il m'énervait, tout ce qu'on lui demandait c'était une érection, bander était la chose la plus naturelle du monde. Le massage d'Aurélie m'a complètement détendue. Elle m'a massé avec de la crème avant de me masturber à quatre pattes, un doigt pénétrant mon cul. Je suis repartie d'excellente humeur. La rentrée est arrivée très vite. J'étais dans le bureau de Rocky quand il a reçu un coup de fil de Hot Vidéo. Ils cherchaient un modèle pour leur jeune rubrique Hot Amatrice, qui ouvrait le cahier amateur du magazine. Le concept était simple, faire poser une annonceuse dans un contexte professionnel, avec décor, maquillage et éclairage. L'occasion de devenir une fille de magazine. Ils sont arrivés chez Rocky à deux, David le directeur et Marc le photographe. David me posait des questions d'usage, prénom, âge, occupation, préférences sexuelles. Puis il m'a demandé d'expliquer mon look étrange. Est-ce que c'était une secte ? Je lui ai expliqué que j'étais Batcave, la tendance punk du mouvement gothique. Marc a annoncé qu'il devait repartir et m'a demandé d'apporter un maximum de lingerie pour le set. On utilisait toujours les effets personnels de la haute amatrice. Le shooting aurait lieu au Clos Palissy, le club échangiste d'Alban, un superbe décor tout en pierre apparente et velours rouge. Rocky était autorisé à prendre des photos sous réserve de ne pas shooter sur son décor ni pendant le set, évidemment. J'étais ravie, je ne pouvais plus souffrir le papier à fleurs et les rideaux de satin rose du studio. J'ai poursuivi l'entretien avec David, je lui ai raconté Cure, le romantisme, cette version moderne de la vague romantique sombre, métaphysique décadente. Je lui parlais de Baudelaire, j'ai cité quelques vers du poème accroché à mon mur. « Volupté soit toujours ma reine », tracé au feutre argent sur du papier noir. Il m'a interrogé sur mon crucifix à l'envers et je n'ai laissé planer aucune ambiguïté, j'étais athée. Je ne croyais pas en Dieu et en corollaire, je ne croyais pas au diable. Coralie, une satanique clinique. Coralie est gothique. Si elle se dit romantique, elle ajoute très vite qu'il s'agit d'un romantisme noir, tourné essentiellement vers le plaisir, la luxure et toutes les expériences nouvelles. Je n'étais pas très contente quand j'ai lu l'accroche du sujet. Coralie, une satanique clinique. Mais je n'étais pas effondrée, j'avais peu d'estime pour les médias et Haute Vidéo était un média. À peine blasée d'être poignardée dans le dos pour un bon mot de mauvais goût. T'as manqué de classe, certes, mais les photos me plaisaient vraiment et je ne regrettais rien. C'était le début du texte qui me vexait le plus. Le jour, Coralie est une lycéenne normale, ou presque. Ses tenues noires, ses longues robes de velours et ses mini-jupes en vinyle lui donnent l'apparence d'une jeune fille dans l'air du temps. Mais dès que l'école est finie, Coralie révèle sa véritable personnalité. Coralie est gothique. C'était une grave atteinte à mon honneur post-adolescent. Je mettais un point d'honneur à être toujours lookée, pour une soirée comme pour aller au tabac. Se looker seulement pour les soirées, c'était infamant. Bon pour les déguisés et si facilement repérables. En revanche, je ne me trouvais pas ridicule du tout de passer une heure en maquillage et crépage pour sortir 5 minutes acheter des cigarettes. Canal Plus, la la la. La première fois que j'ai vu un bout de film porno, ça m'a vraiment marqué. J'étais chez des potes qui avaient le câble et on est resté devant la télé en cachette de leurs parents, évidemment, pour essayer de voir un film X. J'avais 12-13 ans, je crois. Je pense que cette expérience c'est un peu l'expérience type des personnes ados fin 90 début 2000. Mais bon, on y est arrivé, on a mis une chaîne qui diffusait un film de cul et là j'ai eu une espèce de pétrification de moi, voilà. J'ai eu de l'incompréhension parce que ce qui se passait à l'écran ça avait rien à voir du tout avec mes sensations physiques naissantes, mon propre corps et tout ça. Et puis les organes surdéveloppés avec le focus dessus, ça avait l'air douloureux, les actrices étaient très expressives mais d'une façon que je trouvais terrifiante. Et j'ai encore un peu les images de pénétration et pour moi on aurait dit vraiment la mécanique, le système hydraulique à gros piston destructeur, là, tu la sens, ma grosse hétérosexualité. Et en plus, bah, je trouvais l'esthétique néon sur peau bronzée et mexi surmusclé sans poils très très perturbante. Oui, et moche, hein, mais il ne faut pas juger. Et voilà, et ça change des fois, les goûts. Mais bon, en fait, c'était une scène, tout ce qu'il y a de plus classique, de porno hétéro hyper formaté. Et juste, bah, j'étais pas prête à voir ça. Et j'avais pas le goût. Et bah, quand t'es pas prête, c'est burk. Après, je veux pas minimiser pour d'autres personnes qui auraient vécu ça et qui auraient été vraiment trauma. Mais la vie réelle, elle m'a apporté des trucs beaucoup plus traumatisants que le visionnage d'un porno hétéro. La deuxième fois que j'ai vu un porno, c'était avec un amant. Je devais avoir 17 ans, quelque chose comme ça. Je me disais que ça allait me faire grave d'effet. Et j'étais super curieuse. Et bah, en fait, j'étais pas choquée comme à 13 ans, hein, mais par contre, j'ai trouvé ça inesthétique au possible. Et ça m'a coupé toute envie d'interaction sexuelle, comme ça d'un coup. J'étais dégoûtée. Je sais pas si c'est juste parce que moi je trouve ça moche de voir des actes sexuels qui me semblent hors sol, enfin à l'époque, ou sans justification d'histoire, de relations entre les personnages. Je sais pas si je me suis sentie loin de mon partenaire parce que comment il pouvait être excité par ça. Et je crois surtout que l'image elle était trop brute pour que... Ouais non, je trouvais ça vilain visuellement et même il y avait une dimension ridicule de... C'était mis en scène de façon à être limite drôle, et j'ai rien contre l'humour, mais la gauloiserie franchouillarde avec le cul, machin, tout ça, bah ça me fait pas mouiller, mais du tout, quoi. Et peut-être que, tout simplement, je ne suis pas visuelle, comme les meufs dans les articles de sexologues de bas étage, qui disent « Nia, nia, nia, les types ont une excitation visuelle, et les meufs émotionnelles et mentales, et la binarité, c'est très très important. » Et oui, ce qui se passe dans la tête des personnes, c'est aussi simple que ça. Et le découpage suit les pointillés du genre, parfaitement, à la perfection. Non mais, qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Après des recherches approfondies et contre toute attente, eh ben, ça dépend des moments, et ça dépend des jantes. Et puis, on a nos propres critères esthétique pour être excité par ce qu'on voit. Que ces critères soient marqués par certaines normes, par la culture de ce qui est censé être perçu comme sexy, par notre genre, et qu'ils soient modifiables, pliables, dirigeables, pourquoi pas, oui. Mais il y a des critères et une sensibilité esthétique qui diffèrent. Genre, des meufs nues qui jouent du violoncelle, éclairées avec une lumière blanche dégueu qui les fait ressembler à du plastique et avec des ongles French manucurés de 10 cm qui se baladent sur un clito, bah ça me fait beaucoup d'émotions, hein. Mais pas de l'excitation sexuelle. Enfin, si, parce que comme je vois des interactions sexuelles, j'ai de l'excitation mécanique quand même, on est humaine, quoi. Mais ça fait surtout du cringe. Le cringe, c'est quand t'as un type spécifique de gêne. Voilà, c'est la gênance. Où tu juges négativement une situation à une personne, et puis en même temps, tu te sens sale de voir le truc et aussi de juger. C'est un peu être témoin de ridicule et s'imaginer soi dans la situation, mais sans empathie pour la personne qui y est vraiment. Et les personnes plus jeunes, j'ai l'impression qu'elles disent gênant. Elles utilisent le mot gênant dans à peu près ce sens-là, d'ailleurs. Et bon, comme sur tous les sujets sympas, il y a une vidéo d'1h30 de la chaîne YouTube ContraPoint qui est consacrée au terme cringe. Voilà, allez la voir, c'est cool. Mais bref, cringe de mes what the fuck, ça a quoi d'excitant cette esthétique moche, donc jugement tout à fait subjectif. Et ça me fait peur pour le clito, parce que voilà, j'imagine ça sur le mien. Et c'est pas que je sois pas excitable visuellement, c'est juste que si je trouve une esthétique laide, ça va me gêner l'excitation. Par jugement et projection, simplement parce que j'y suis pas sensible, ça rentre pas dans mes canons qui sont plus ou moins formatés, ok, oui, c'est sûr. Mais parce que justement, je porte trop d'attention au visuel, s'il me satisfait pas, voire qu'il pourrit mon groove, eh ben je préfère ne pas avoir de visuel du tout. Et on va passer à une nouvelle lecture du livre de Coralie Trinity. Être amoureux, c'est la meilleure drogue du monde. D'ailleurs, c'est scientifiquement prouvé, de la dopamine et des endorphines pures en continu. Et les mêmes hormones de désir et de plaisir que celles produites par les drogues dures. Mais je ne craignais pas les drogues dures, je savais les gérer. Il a fallu s'extraire de cette ivresse pour revenir dans le monde. Je devais faire des dédicaces au salon de la vidéo haute. Gabriel ne vivait pas chez moi officiellement, mais officieusement il ne me quittait pas. Il me regardait me préparer. J'avais choisi une kitschissime robe tout en pastille lamé rose fuchsia, dessiné le masque de geisha sur fond de pan stick, relevé et laqué mes cheveux, j'avais changé de peau. Il était assis sur le canapé, l'air un peu désemparé. Je me suis étonnée que le spectacle de ma transformation ne l'amuse pas plus que ça. Je ne lui plaisais pas, j'avais raté quelque chose. Non, c'était très réussi. Il me regardait comme s'il ne me connaissait pas. Alors je me suis approchée de lui, dans la peau de la créature. J'ai soulevé ma robe pour exhiber mes bas et mon porte-jartelle, et collé mon slip de dentelle contre sa bouche offerte, et cambré sur mes talons aiguilles. La créature était à lui aussi, il suffisait de les présenter. Il a eu un mouvement de recul, et l'a posé un timide baiser sur la dentelle noire. J'ai agrippé ses cheveux pour l'encourager. J'avais envie qu'il me prenne et qu'il me renverse sur le canapé, qu'il saccage ma patiente toilette. Je serai en retard, comme d'habitude. Rien ne m'excite tant que ces étreintes pressées de dernière minute. Ces moments où il ne faut pas céder à la tentation et où elle est d'autant plus forte. Il a encore embrassé la chair au-dessus de mes bas, mais sans passion. Un baiser presque forcé. J'ai lâché sa nuque, il évitait de me regarder. J'ai reculé, il semblait tout petit sur ce canapé, tant il s'était renfermé, alors que j'étais ouverte en grand. Je me suis sentie embarrassée et embarrassante. Beaucoup trop grande sur mes talons aiguilles, beaucoup trop voyante dans mes couleurs vives, beaucoup trop odorante du mélange de senteurs sur ma peau et des cosmétiques. Beaucoup trop précieuse dans mes dessous à plus de 1500 francs. Beaucoup trop sauvage dans mon jeu de scène, une géante malhabile. Comme le poète de Baudelaire embarrassé de ses stupides ailes, ou Alice au pays des merveilles, incapable de retrouver la bonne taille. Il regardait la créature désemparée, un peu effrayée. Je devinais même une légère hostilité. Souvent, les gens détestent ce qu'ils craignent. Manifestement, il ne savait pas quoi faire de cette créature. Je ne savais plus quoi en faire non plus. Le mieux était de l'amener là où elle était attendue. Pour une fois, elle ne serait pas en retard. Au salon, Haute Vidéo était au petit soin pour Doc Gynéco, le visiteur VIP de l'année. Je n'avais rien contre lui, mais j'avais grandi à Public Enemy, LL Cool J, Ice-T et NTM. Ce n'était pas que je n'aimais pas le rap, mais justement j'aimais le rap, pas la guimauve FM. Il avait une bonne tête, mais un air de hippie extatique qui m'énervait, comme s'il fumait trop et que ça ne lui réussisse pas. Trop mou pour moi. Un de ses acolytes est venu me brancher après ma séance de dédicace pour me poser des questions sur le porno. Il voulait savoir pourquoi je faisais ça, si je prenais du plaisir. J'ai répondu pour la millième fois que je le faisais parce que j'aimais la caméra et que je prenais du plaisir sur les tournages. Il m'a dit qu'il savait que je disais ça, qu'il voulait vérifier, et qu'il me proposait d'aller délirer dans une chambre d'hôtel avec Doc Gynéco et ses potes. Il me promettait une excellente soirée. Il était très sérieux. J'ai rigolé, merci de ta flatteuse proposition, mais je ne suis pas intéressée. Et je me suis retournée pour partir. J'avais envie d'un verre, subitement. Il m'a retenue, il s'obstinait. « Mais attends, je comprends pas, si tu veux une caméra, je te jure qu'on aura une caméra. » J'ai soupiré, gros effort pour rester civilisée et ne pas trop faire sentir que je le trouvais vraiment bête et lourd. « Ce n'est pas le problème de la caméra, ça ne m'intéresse pas. Avec ou sans caméra, c'est tout. » Il ne lâchait pas. « Si tu aimes ça, alors pourquoi tu veux pas, hein? Pourquoi moi j'ai vachement envie ?» Et on aurait dit un gros bébé qui réclame rien de plus antisexuel que cette aura de manque et de frustration. Je le regardais en secouant la tête d'un air navré. « Non, non, moi j'ai toujours pas envie. Bon. » Doc Gynéco voulait m'interviewer. Scott m'a décoché son plus beau sourire, m'assurant que ça ne prendrait qu'une minute. Dur de refuser quelque chose à ce charmant garçon. Il ne manquait plus que ça. Je me suis donc retrouvée à une table avec Doc Gynéco et un petit magnétophone. Je ne pouvais pas le tenir responsable de la lourdeur de son acolyte. Ça a mal commencé. « Tu sais que dans mon quartier, beaucoup de jeunes t'apprécient. » J'ai demandé « C'est quoi ton quartier ?» Je soupçonnais qu'il parlait des cités, mais je doutais qu'il en vienne réellement. Il a répondu à côté « Les mecs de mon quartier te connaissent parce que tu viens de l'amateur. » Hélas, j'étais une des rares exceptions à la règle. J'avais commencé le porno public dans le circuit des grosses productions. Et la cité me connaissait grâce à Canal+. Je n'ai pas eu le courage de le détromper. Il parlait si lentement que je devais faire un effort surhumain pour ne pas décrocher. « Tu as quoi à leur dire aux mecs de mon quartier ?» Je ne savais toujours pas de quel quartier il me parlait et je n'avais rien à déclarer, mais il fallait que j'y mette un petit peu de bonne volonté. Qu'il continue à se branler devant mes films. Ça me ferait plaisir, et a priori à eux aussi. Il m'a demandé si je ne voulais pas chanter comme toutes les filles du hard, et j'ai dit que non. Il m'a demandé si je tournais pour le plaisir, j'ai dit que oui. Alors il a déclaré qu'il voulait bientôt faire un film, mais qu'il n'avait pas beaucoup de moyens. J'ai ri poliment. Il était lent, mais il essayait d'être drôle. « Pas beaucoup de moyens, c'est dans ta chambre sans caméra ?» Il ne pouvait pas sérieusement envisager quoi que ce soit de sexuel entre nous. Il ignorait sans doute les plans de son pote, impossible d'imaginer cette chose dégoulinante en bête de sexe. Il a changé de sujet. Doc Gynéco a déclaré ensuite que je me sentais agressée dès qu'on me posait une question. Je ne peux pas nier que j'avais peu de patience et l'impression qu'on me posait des questions de plus en plus connes. Et comment ne se sentirait-il pas agressé par mon débit qui devait résonner comme une rafale de Kalachnikov comparée à sa douce et voluptueuse musique intérieure? Son interview dans Hot m'a achevée. Il parlait de moi et de Dalila. Elles ont l'air contrôlées, mais je ne sais pas par qui. C'est lui que je dois rencontrer en fait. Dans quel drôle de monde il devait vivre pour imaginer les filles sous contrôle? Plus loin, elles ont l'air de filles simples, mais elles sont verrouillées. Il me manque quelque chose. Je trouvais effectivement qu'il lui manquait quelque chose. Un cerveau en vitesse normale. Tranqui aquí con mis amis, llegamos al party, modo happy, antifascista, anti-rati. Mami, esto calienta rápido, lisa por cani. Tumban fiestas, fumigan a machis y menean. Marica me suena, las pibas perrean en la pista, gastan suela. Suda callejera, perra de la buena, busca su manera de bailar como ella quiera. ¿Qué parte no entiendes y en qué vives nos queremos? Si no ves, huye, que responderemos. A la yugular y es que no nos sometemos. Ira, bujarra por todos los extremos. Libre todo shame, espacio para el culeo. Mulo, sudor, carne y también bamboleo. Colgantito y brillito, cuerpa yo chuleo. Dejando atrás la hueva de los cis heteros. No postureo, es momento de perreo. Bichas sueltas, monstruos, diosas, divineo. Sudor disidente que no es palabreo. Otra bestia y high de jaleo. Hoy vengo perrita, ves que estoy bonita. No tengo grandes tetas pero están peluditas. Cuerpa de proscrita, destruye tu cabecita. Despierto, transformo tu deseo, transita. Madre nuestra que estás en la tierra, santificada sea esta perra. Rompió su cadena y se fue con la manada. Fera no va camuflada, va brillando pa' que vea. Salí sin miedo, comentarios obscenos. Si mi cuerpo es mi terreno, no empodero más su imperio. Sé que igual quieres comerlo. No soy tu alimento, homie, lo lamento. Seremos libres mientras no sigamos normas. Con esos pelos harás que el hetero corra. Bailemos hasta quedar con poca ropa. Madafaka, dance, dance, madafaka. Seremos libres mientras no sigamos normas. Con esos pelos harás que el hetero corra. Bailemos hasta quedar con poca ropa. Madafaka, dance, dance. Suelta monstruo, dios adivineo. Sudor disidente que no es palabreo. Mutra vestido, jateo, jaleo. Seremos libres mientras no sigamos normas. Con esos pelos harás que el hetero corra. Bailemos hasta quedar con poca ropa. Ça a fini d'un coup. Ça a fini d'un coup. Alors, on vient d'écouter Las Mari Carmen, qui est un groupe espagnol de rap, rap électro-queer. La chanson, elle parle du slut-shaming lié au fait de s'habiller à la touffe, en gros, et que c'est super d'être une grosse chienne. Je suis assez d'accord. Donc, on parlait d'excitation et tout ça, et bon... En fait, c'est fort possible qu'il n'y ait pas un découpage strict fait selon les pointillés du genre en ce qui concerne de provoquer l'excitation sexuelle. Et on a des constructions, des attentes sociales et donc sexuelles qui sont genrées différenciées. Mais la culture sexuelle, elle est assez partagée en tout cas à plein d'endroits maintenant. Les représentations, les contenus qu'on va avoir sous les yeux, ça va être en grande partie les mêmes. En tout cas, tous les trucs mainstream qu'on va absorber sans forcément le rechercher. Les différences de vécu, elles vont nous les faire percevoir différemment et également selon le genre, mais pas que. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on peut faire des généralités sur ce qu'un groupe de genre va préférer. Mais bref, on a du commun. Et si, par exemple, moi, j'ai développé une sensibilité esthétique à des trucs d'hyperféminité dans un cadre sexuel, genre les bas, les trucs féminins, les sous-vêtements de pouf avec certaines formes, machin, même une certaine esthétique de la contrainte aussi... Eh ben, c'est pas parce que les hommes aiment ça. C'est parce que ça fait partie de ma culture sexuelle et que je trouve ça sexuellement excitant, point. Et que ce soit absurde, c'est pas le propos. Nos artefacts, nos pratiques et esthétiques culturelles, elles sont toutes absurdes, quelque part, dans tous les cas. Elles ont une histoire, une origine qui aurait pu être différente, et alors elles seraient différentes, ne serait-ce que dans le quotidien, l'organisation des pièces d'une maison, je sais pas, n'importe quoi, la forme de la cuvette des WC, manger avec une fourchette, et ben il y a des endroits où c'est différent, et ça pourrait être différent ici, mais voilà, c'est comme ça, et c'est comme ça que ça nous parle. Et ben, c'est un peu pareil pour les trucs qui sont sexy et qui nous provoquent de l'excitation. Après, il y a toujours des trucs qui sont marqués par les idées patriarcales, hein. Oui, ça l'est. Mais juste, des fois, la flemme de tout trier, et si ça m'excite, c'est que c'est devenu à moi, c'est le mien. Pour en revenir à l'exemple des sous-vêtements, des bas et toutes ces cochonneries-là, eh ben, si leur esthétique, elle me titille, est-ce que c'est parce que ça me fait projeter un regard masculin désirant sur moi ? Je vois le chemin dans mon cerveau vraiment plus direct que ça, plus simple. Et peut-être que je m'illusionne, hein. Mais je ne vais pas appauvrir mon imaginaire et en chasser tous les trucs qui pourraient se rapprocher d'un truc de patriarcat. Je ne vais pas appauvrir ma capacité d'excitation pour cause de féminisme. Mais surtout, c'est un appauvrissement qui n'est pas nécessaire parce qu'on peut se réapproprier toutes ces choses-là et les sortir aussi de la binarité de genre quelque part. Mais bon, donc, on peut les tortiller, les faire bouger, les bidouiller et les détacher du patriarcat. Voilà. C'était très clair, hein ? Oh oui, c'était tellement clair. Dans le cadre de la promo pour le film Baise-moi, donc tiré du roman de Virginie Despentes et que Coralie Trinty, elle a réalisé avec elle, donc toutes les deux, et elles croisent les féministes. Alors, c'est pas trop les mêmes féministes. Enfin, si, il y en a encore des comme ça. Beaucoup, beaucoup, encore plus, en fait. Mais bref, on voyait surtout ça là. Et donc, les féministes, eh ben, c'est pas trop le kiff avec Coralie. Et elle les a déjà croisées avant, à l'entrée d'un salon du X. Et voilà. Nouvel extrait de l'autobiographie. Je n'arrivais pas à les aimer. Elles s'obstinaient à voir dans Baise-moi une condamnation du porno. Elles ne faisaient jamais allusion à mon existence, comme les autres. Elles avaient le cerveau aussi bloqué que ces méchants phallocrates, mais n'en avaient même pas conscience. Elles prétendaient pourtant défendre la femme, mais en lui niant toujours sa liberté et sa capacité de choix. Elles se gargarisaient de respect de la dignité de la femme. Mais qui peut définir la femme ? De temps à autre, elles affirmaient que cette femme avait le droit d'être sexuée. Pourtant, concevoir une sexualité librement choisie dans le porno ou la prostitution était au-dessus de leur force. Les plus progressistes débattaient sans fin du libre consentement, comme si les concepts de désir, de volonté et de choix disparaissaient pour un sujet féminin. Un article d'internet intitulé « Pornographie, victimes quoi qu'elles en disent » m'a prouvé qu'il faut toujours se fier à sa première intuition. Et l'auteur de s'indigner « Dès qu'on ose dire cela, on ne manque pas de vous accuser de victimisme. C'est incroyablement vicieux, scandaleux. On ne peut plus rien dire. » J'adorerais qu'elle m'explique ce qu'est le victimisme, si son titre n'en est pas la plus flamboyante illustration jamais écrite. Elles n'ont même pas leur mot à dire. Elles sont victimes. Voilà. Donc c'était une critique typique d'un certain féminisme... très présent à cette période. Et ça a été un gros truc dans l'histoire du féminisme, ce qu'on appelle la sex wars aux États-Unis, et puis ça a existé ailleurs de façon différente. En France, il y a eu, par exemple, la fermeture des cinémas porno dans les années 70, sous prétexte de protéger les femmes et la population. Il y a le documentaire Mutante, réalisé par Despentes, qui en parle des sex wars et qui parle du post-porn et du porno féministe aussi. Il y a plein de trucs à lire sur cette histoire du côté des théoriciennes. Et puis on peut aller voir par exemple Gail Rubin qui a beaucoup, beaucoup écrit là-dessus dans les années 80-90. Et ça m'a parlé beaucoup en fait d'être énervée par les féministes anti-porno et anti-sexe hein, en général. En tant qu'adolescente et jeune adulte hein, qui souhaitait jouir de ma liberté sexuelle hein, et qui souffrait de mon stigmate de la salope, mais tout autant que je l'arborais fièrement. Et maintenant, je trouve ça un peu plus compliqué. Maintenant, je vois que ma liberté sexuelle, elle a pu être exploitée pas trop à mon bénéfice dans certaines relations, dans certains contextes. Pas toujours. Et puis, je regrette pas d'avoir été une chaudasse, hein, quand même. Mais quand t'as envie de pécho plein de gens et que tes hormones, elles sont en folie comme ça, là, wouhouhou, mais que à ta disposition, ce que t'as, c'est des types. Alors, oui. Moi, c'était mon public cible parce que la bisexualité dans la ruralité villageoise au début des années 2000, c'était un peu un impensé, enfin, pour moi en tout cas, et pour beaucoup de personnes. Mais donc tout ce que tu as sous la main, c'est des types. Ils sont jeunes comme toi, ou un peu moins jeunes, et ça peut être problématique, mais ça c'est une autre question. Ils sont inexpérimentés avec dans le crâne les idées en vogue sur la sexualité, de tout centrer autour de la pénétration, de pas savoir c'est quoi le clito, parce que oui, à l'époque, voilà. Et de toute façon, de pas s'y intéresser, parce que le sexe, c'est quelque chose qu'on prend aux meufs, et que le consentement, ça existe pas. Bon, voilà, là, c'est pas les conditions idéales pour débuter une sexualité épanouie dans la joie et le plaisir. Et puis simplement, quand il n'y a pas de connaissances sur le corps, la physiologie des corps, encore moins des corps autres que ceux des mecs cis, et ben c'est compliqué. Quand le modèle d'un rapport sexuel, c'est rouler trois pelles, saisir un nichon, et puis passer à une pénétration effrénée comme ça, là, et ben c'est compliqué de jouir. Enfin, pour moi, en tout cas. Et juste pour préciser, ce schéma, il appartient pas qu'aux jeunes types de la campagne. Hein. Je l'ai rencontré toute ma vie sexuelle, même récemment, tout ça, tout ça. Hein. Et quand on considère plus ou moins que les meufs qui baisent, c'est des salopes qui méritent pas de considération, justement, et que, du coup, la connexion humaine pendant l'acte, c'est bof-bof, c'est souvent nul, quoi, c'est nul. Bon, tout ceci étant dit, quand t'es complètement en rut, que t'es adolescente, t'as quand même des sensations physiques agréables qui sont décuplées par tes fameuses hormones en folie. Mais, faut être motivé, quoi. Faut être motivé et pas avoir trop d'attentes. Et par chance, moi, j'avais pas d'attente à part de pouvoir me frotter sur les gens. Mais bref, si le sexe s'était pas fait de façon hyper efficace et sympa, et ben c'est pas trop la faute de la pornographie. Et c'est pas la faute non plus des féministes. Voilà, c'est pas la faute de ces deux trucs. C'est la faute à un petit phénomène très secondaire qui sera bientôt éradiqué et qui s'appelle le patriarcat. Voilà. On va passer à une nouvelle lecture du bouquin de Coralie Trinty. Coralie est sur un tournage avec un collègue qu'elle n'apprécie pas beaucoup. Il m'a fait chier tout de suite. J'ai commencé par une fellation très énergique, vu le genre du bonhomme, l'option lapage sensuel et jeu de langue préliminaire étaient exclus. Il me tirait et pinçait les seins comme un paysan très agaçant. Il a avancé sa grosse patte pleine de doigts vers ma chatte. Il était aussi habile de la main que de la queue. Aussi, j'ai résolument offert mon cul à la caméra, avec comme bénéfice secondaire de placer ma fragile intimité hors de portée. Le message symbolique « Je suis à la caméra, pas à toi » n'a pas semblé l'atteindre. Contrôler les débordements d'un hardeur sans que cela soit perceptible par le spectateur est un exercice très délicat. Cette scène reste ma plus grande performance dans cette périlleuse discipline. Une lutte invisible pour un œil non exercé. Il suffit de le savoir pour décoder les gestes. comme dans tous les métiers, nous finissons par attraper des réflexes professionnels. En cas de scène difficile, ils surgissent naturellement. Machin s'obstinait à me rouler des pelles à tout bout de champ. Il profitait de notre mariage scénaristique malgré l'évidence. Je n'aimais pas cela. Malgré ? Il s'obstinait peut-être parce que je n'aimais pas cela. Une coutume, une règle tacite veut qu'on se limite en général au strict minimum. Le baiser est peu pratiqué dans le porno. Une possible résonance de ce réflexe presque universel qui pousse tant de gens à réserver le baiser à l'amoureux. Pour ma part, si j'avais un temps refusé d'embrasser ceux dont je n'étais pas amoureuse pour séparer le sexe pur des sentiments, j'avais fini par découvrir une dimension purement sexuelle au baiser. Mais je détestais la façon d'embrasser de machin. J'ai donc répondu à son baiser passionnément, pour faire court, avant de le replaquer sur le lit et de descendre sur sa queue. Il a alors opté pour le coup de rein, aussi brutal et désordonné que le reste. Trop dangereux à mon goût, un coup de dent est vite arrivé. Je ne voulais pas être responsable d'une incapacité de travail. Je me suis placée à califourchon sur sa cuisse massive. J'offrais ainsi mon cul et mon sein droit à la caméra. Je me mettais encore plus hors de portée de ses grosses pattes maladroites et mon poids atténuait l'amplitude de ses soubresauts. Il a interrompu ma fellation pour frapper sa bite contre ma bouche. Bravo, rouge à lèvres salopé en un temps record, on allait encore perdre du temps au raccord maquillage. Sans compter que j'avais toujours trouvé cette figure ridicule et disgracieuse. J'ai joué la voracité pour arracher sa queue de sa main et l'empêcher de ruiner une scène de fellation qui m'inspirait malgré les circonstances. Je suis montée sur lui en Amazon. Quand il n'essayait pas de mettre sa langue dans ma bouche pour l'agiter sporadiquement, il m'enfonçait un doigt dedans, dur et crispé. Je n'aime rien tant que sucer un doigt, y faire affluer le sang et envelopper ce petit membre de ma langue et de la chaleur humide de la chair de mes joues. Mais je n'arrivais à rien avec ce bout de doigt sec, agrippé contre ma mâchoire et mes dents. Il me secouait si fort que je ne pouvais pas bouger de moi-même. Il me faisait sauter sur lui comme une chose inanimée, pathétique. Plusieurs fois, j'ai cru qu'il voulait changer de position. Il esquissait des mouvements incohérents. Je devais marque-bouter contre la tête du lit pour maintenir un minimum d'harmonie à l'ensemble. Il m'a serré par la taille pour me plaquer contre lui, j'ai failli me manger la tête de lit en pleine face, et il est parti dans une session de petits coups de rein hystériques à la manière des chiens. De pire en pire, il m'empêchait de me déployer, toujours à me coller ou me rassembler. Il ne me laissait aucune initiative et ne trouvait aucun autre rythme que le sien, celui du marteau-piqueur. Nos énergies étaient définitivement incompatibles. Il s'agissait dans tous les sens en dépit du bon sens. Il attrapait ma nuque pour m'attirer à lui, mais interrompait son geste, il happait mon sein une seconde avant de mordiller mon bras, et toujours cette pénible obsession du doigt dans la bouche. J'avais la sensation d'être une poupée gonflable retournée dans tous les sens. Nous luttions à armes inégales. Il était tout de même beaucoup plus fort que moi, et je ne pouvais pas le calmer trop explicitement pour le bien du film. J'étais supposée être une salope insatiable, et si je lui disais franchement ce que j'en pensais, je risquais de plomber l'ambiance, voire de provoquer une panne catastrophique pour tout le monde. Je me raisonnais. C'était une lutte de pouvoir, une lutte d'ego, et je maîtrisais le mien. L'ego du hardeur avait besoin de ce cirque pour s'épanouir, et l'érection du hardeur avait besoin de son ego pareillement. Et puis je ne pouvais pas nier que pour le côté mécanique, Machin était un professionnel irréprochable. Il bandait, il aurait vraiment pu tourner avec une poupée gonflable tellement il baisait tout seul. Certaines actrices trouvaient peut-être ça reposant, seulement je détestais cette impression de travailler pour lui, et pas avec lui. Finalement, il a amorcé un vrai changement de position, et je me suis placée en face caméra. Au moins, il ne pourrait plus me lécher la figure, et j'aurais une chance de participer à l'action. Peine perdue, j'avais l'impression d'être assise sur un trampoline. J'enrageais, le cadre était idéal, j'étais offerte à la caméra, cuisse ouverte, la vue devait être splendide, ma chatte avec une superbe queue dedans, mes doigts sur mon clitoris, mes seins arrondis par la position avantageuse, et au-dessus mon visage, les yeux clos. Seulement, c'était très difficile de se caresser sur un trampoline, je risquais de me griffer, et mon visage devait être plissé par mon effort intense pour conserver un semblant d'équilibre, et aussi par la contrariété. Il a essayé de branler mon clitoris comme une brute, mais ma main était déjà à l'œuvre et j'ai repoussé la sienne sans ménagement. Tant pis pour la subtilité et mon rôle de femme amoureuse, il passait les bornes. Habituellement, on s'accroupit sur son partenaire et on se cambre en arrière, en appui sur les bras pour ne pas peser trop sur lui et faciliter ses coups de rein. Le partenaire passe les mains sous les cuisses ou les fesses pour aider le mouvement. Là, il me saoulait trop. Je me suis couchée sur lui, de tout mon poids. Ça n'a pas suffi à l'immobiliser complètement, mais il était gêné. Je caressais ma poitrine et mon clitoris, alors il s'est agrippé des deux mains à mes jarretières, en maintenant son va-et-vient. Et équilibré par mon poids, sa brutalité devenait très agréable. J'ai enfin pu me faire jouir à un orgasme conquis de haute lutte. Wouhou ! C'était tout ce que l'hétérosexualité nous a offert de pire, tout le pire du sexe hétérosexuel. Et moi j'ai jamais tourné dans un porno, mais ça m'a quand même rappelé beaucoup, beaucoup des trucs. Masturber systématiquement sur les tournages. Est-ce que je ressentais un vrai plaisir pornographique ou est-ce que cet orgasme mécanique du clitoris me permettait de me mentir ? D'ailleurs, je me masturbais aussi souvent en privé. Est-ce que j'aimais vraiment baiser tout court ? Est-ce que j'étais capable de me laisser donner du plaisir, de recevoir ? Peut-être que je me mentais et que je n'aimais pas vraiment le sexe. J'ai pensé à Gabriel. Je l'aimais toujours, même si je me défendais d'en être encore amoureuse. Il n'était pas naturel de désaimer, nous étions liés par la profondeur des sentiments passés. Il était mon meilleur ami avant de devenir mon petit ami, je n'avais pas le droit de l'effacer de ma vie. Me remettre à le détester ou à l'ignorer n'aurait été qu'une réaction de défense, de la mauvaise foi, et je devais rester fidèle à mon cœur. Tout cela se tenait très bien. Nous couchions toujours ensemble. Après la séparation, mon désir pour lui était revenu avec la puissance d'un raz-de-marée. La première fois que je m'étais retrouvée seule avec lui, chez lui, mon sexe avait hurlé de famine, d'abord palpitant jusqu'à être secoué de spasmes. Je n'en avais pas dormi de la nuit, de sa présence à un mètre de moi, torturée par une pulsion interdite. Le lendemain, mon bas-ventre était brisé de crampes et j'avais compris de quoi parlent les garçons quand ils prétendent souffrir d'avoir bandé trop longtemps. Nous nous étions retenus longtemps, si longtemps. Plusieurs jours en tout cas, et quand les barrages avaient explosé, j'avais cru que mon cœur allait lâcher. L'émotion de ces retrouvailles charnelles avait été si intense que je ne conservais aucun souvenir précis de ce que nous avions fait techniquement. Et avant cela, dans la routine du couple, j'étais quasiment devenue frigide. Il fallait que je sache si on pouvait me faire jouir, sans ambiguïté, sans stimulation mêlée, sans tricher. Il est passé un après-midi, j'étais étendue sur le canapé. Il s'est agenouillé devant moi. Il me caressait, il a fait rouler mon pantalon jusqu'au genou. J'ai bloqué mes mains sous ma nuque, ne pas me toucher, ne pas le toucher non plus. J'ai murmuré « Je veux voir en combien de temps tu peux me faire jouir ». Il a glissé une main entre mes cuisses et je me suis ouverte en regardant l'heure sur le magnétoscope. Je craignais qu'il n'y arrive pas, que ça dure trop longtemps, que je sois obligée de déclarer forfait. Il savait exactement comment me toucher après des années d'apprentissage. Il savait même le rythme qui prolongeait mon plaisir. J'avais fermé les yeux sous la violence de l'orgasme, aussi je ne sais pas précisément combien de temps il a fallu. À quelques secondes près, entre 1 minute 45 et 2 minutes. Moins de 2 minutes en tout cas. Mon corps était programmé pour jouer en moins de 2 minutes. Il n'y avait qu'une seule explication possible, j'étais un garçon. Très drôle, mais ça ne tenait pas. J'étais abasourdie par ce test scientifique et ce qu'il impliquait. Tout le monde s'entend dire qu'il faut bien plus longtemps pour l'orgasme féminin, encore un mensonge. 2 minutes suffisent physiologiquement. Il est vrai que mon corps était parfaitement opérationnel. Beaucoup de pratiques, beaucoup d'applications et d'implications. On me demandait souvent depuis l'adolescence si je me masturbais et je répondais toujours non. La masturbation était pour moi une gymnastique laborieuse, incomparable avec un échange. Bien sûr, je l'avais fait dans le passé par curiosité. Quelques séances d'onanisme sur fond de téléphone rose après une période de lectures interdites, des BD adultes très SM. Et surtout, une exploration devant un miroir, nu et jambes ouvertes. Je m'étais appliquée longtemps sans parvenir à l'orgasme, malgré le trouble insensé que provoquaient en moi les aventures d'une certaine Gwendoline. J'avais observé que les enfants, garçons et filles, se masturbent entre 3 et 7 ans, par pression et frottement, sans parvenir à l'orgasme toutefois. Et je l'avais sans doute fait aussi, mais je n'en gardais aucune mémoire. Mes rares souvenirs de masturbation étaient très vagues, effacés par la force de mes échanges précoces. J'avais cessé dès que ma vie sexuelle était devenue active. On ne me croyait pas. Toutes les filles se masturbaient et refusaient de le dire. C'était ridicule. Je faisais du porno, je n'aurais pas eu honte de le dire. Je ne le faisais pas parce que je n'y trouvais aucun intérêt, si limité. Misérable en regard des gammes infinies de sensations qu'un autre, voire des autres, pouvait ouvrir en moi. La question était mal formulée. Par masturbation, on entend « plaisir solitaire ». Je n'avais pas de sexualité solitaire, mais je me masturbais intensément. Je me caressais devant la caméra, devant un voyeur, pendant les fellations et les pénétrations, avant et après. Ce n'était pas du plaisir solitaire, même quand je m'exhibais, j'échangeais des énergies avec un partenaire sans le toucher. Dans les faits, je m'étais masturbée plusieurs fois par jour, pendant des semaines, des mois, des années. Et parfois une dizaine ou une vingtaine de fois dans une seule journée, sans me lasser jamais, chaque orgasme plus puissant que le précédent. Jusqu'à effrayer un jour un voyeur par un évanouissement de bonheur qui ressemblait à un malaise. Je m'étais masturbée autant qu'un adolescent mâle en pleine puberté, et pour cette raison, mon corps connaissait sa mécanique aussi bien qu'un garçon, sans doute mieux que beaucoup de garçons. Bon, on n'est pas trop d'accord sur tout avec Coralie Trinti. C'est pas un bouquin, comment dire. Bref, c'est pas parce que je fais des lectures que j'approuve l'intégralité du contenu. Et par exemple, si tu veux ne plus jamais parler à tes ex qui ont été nuls et vilains, et ben c'est ok. Moi, je trouve quand même, je suis pas trop d'accord avec elle. Et je suis pas trop d'accord avec elle que se branler toute seule, c'est nul et c'est pauvre et triste. Voilà, genre même, je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais bref, voilà, vive la branlette. C'est parti. Pas la branlette. Yeah! Et c'était Slut Skirt du groupe Johnny Carwash. C'est une chanson qui parle aussi du slut shaming vestimentaire. Et oui, il y a de la musique qui redémarre, car voilà, stop, il suffit. Donc une chanson qui parle de slut shaming vestimentaire, hein, et qui dénonce le fait que les filles et même les très jeunes filles sont responsabilisées parce que elles portent des jupes de salopes, slut skirt. Voilà, la petite incursion dans la période des années 90-2000 va s'achever très prochainement. Ça a probablement bien changé, la pornographie, tout ça. En ce moment, il y a beaucoup d'articles qui parlent des viols et de l'exploitation des meufs dans le porno actuel et aussi dans le passé. Parce que ça existait déjà probablement à l'époque. C'est présent à des passages du bouquin de Coralie Trinti que j'ai pas forcément voulu lire. Mais peut-être pas dans une telle mesure. D'après ce que j'ai pu lire, entendre comme témoignage de personnes concernées, par exemple dans l'émission Infrarouge qui était consacrée au porno il y a quelques années, ou dans des podcasts et articles divers, il y a la radicalisation du capitalisme, la dégradation des conditions de travail en général et pas que dans le porno, l'impuissance des travailleuses et le stigmate lié au travail du sexe, tout ça qui travaille main dans la main à un durcissement de l'exploitation et des conditions de travail. Il y a aussi pas mal de trucs qui me rendent non nostalgique hein, dans ces années-là. L'absence de mots pour dire les trucs pas normaux. Le monopole d'un certain féminisme, qui est pas vraiment fini. L'absence de qualification des agressions comme telles. Hein, l'hétérosexualité, l'hétéronormativité forcenée et extrême, quoi. Enfin, plein de trucs où on voit une atténuation, mais bon, c'est pas fini, quoi. Et même, il y a un retour à la moralisation et au renforcement des restrictions légales pour les travailleuses du sexe. Pour les travailleuses en général, hein, mais pour les travailleuses du sexe surtout. Ce qui signifie de l'insécurité, de la dégradation de leurs conditions de travail. Et ça profite financièrement aux éventuels grands groupes existants, aux entreprises et aux personnes qui les possèdent, en mettant la pression ou en détruisant les personnes qui y travaillent. C'est un exemple. C'est un exemple de comment le capitalisme et les idées d'extrême droite conservatrice sont des super potes qui pratiquent l'entraide au service d'une même classe sociale et on sait laquelle. Voilà, voilà, pour capter des enjeux un peu plus contemporains, notamment sur les questions numériques, on peut aller lire un article qui s'appelle « Puritanisme sexuel et capitalisme numérique ». Donc c'est un entretien avec Susanna Passonen, Kylie Jarrett, Ben Light, à propos du bouquin qu'elles ont écrit, qui parle de la régulation des contenus sexuels sur les réseaux sociaux numériques. C'est quelque chose qui a été publié dans la revue française Socio-Économie. Ça date de 2020. Le bouquin, il est aux éditions La Découverte, 2020 aussi. Mais l'article, on le trouve gratos sur le site du Cairn. Donc, puritanisme sexuel et capitalisme numérique. On peut aussi aller s'informer sur la loi Avia qui a été adoptée en 2020. Et à propos de cette loi, la Quadrature du Net et le Stras nous disent que la conséquence probable de cet article, il parle de l'article 11, sera la censure massive du contenu pornographique, voire érotique, légal, artisanal, amateur et indépendant, tout en favorisant de facto les grands distributeurs. De même, on peut aussi s'attendre à ce que cette loi entraîne le blocage des sites d'annonces d'escorte et de webcams érotiques basés à l'étranger, ainsi que les sites web de travailleuses du sexe indépendantes, fragilisant d'autant une communauté déjà marginalisée par la définition très large du proxénétisme et la pénalisation du client. Donc en renforçant la pornographie industrielle au détriment des indépendantes, ce sont les pratiques de cette première qui sont promues, avec ses clichés les plus sexistes et ses conditions de travail les plus abjectes. Il ne restera alors plus rien de l'objectif que s'était donné la loi, celui de protéger les victimes de violences conjugales. On peut aller se renseigner aussi sur le projet de loi qui a été adopté fin 2023, je crois. C'est un projet de loi visant à réguler et sécuriser l'espace numérique. Donc c'est censé réguler les contenus en ligne et le porno, mais dans les faits, ça va juste enterrer les sites d'information communautaire et aussi faire d'autres trucs pourris Et ça va rendre difficile, enfin, ça va favoriser le profilage, hein, et de récupérer des informations personnelles sur les personnes queer sur Internet. Voilà, voilà. Je vais conclure avec un extrait de King Kong Theory qui parle de porno, mais aussi des racines du désir et de notre culture sexuelle. La prochaine émission, ce sera le 26 mars. Et après l'extrait de King Kong, on écoutera un morceau de La Terrorista del Sabor qui s'appelle Maraquera Hardcore. Voilà, bisous, bisous. Le problème que pose le porno, c'est d'abord qu'il tape dans l'angle mort de la raison. Il s'adresse directement au centre des fantasmes, sans passer par la parole ni par la réflexion. D'abord on bande ou on mouille, ensuite on peut se demander pourquoi. Les réflexes d'autocensure sont bousculés. L'image porno ne nous laisse pas le choix. Voilà ce qui t'excite, voilà ce qui te fait réagir. Elle nous fait savoir où il faut appuyer pour nous déclencher. C'est là sa force majeure, sa dimension quasi mystique. Et c'est là que se raidissent et hurlent beaucoup de militants anti-porno. Ils refusent qu'on leur parle directement de leurs propres désirs, qu'on leur impose de savoir des choses sur eux-mêmes qu'ils ont choisi de taire et d'ignorer. Le porno pose un vrai problème. Il défoule le désir et lui propose un soulagement, trop rapidement pour permettre une sublimation. À ce titre, il a une fonction. La tension dans notre culture entre délire sexuel abusif, en fil, les signes appelant au sexe nous envahissent littéralement le cerveau, et rejet exagéré de la réalité sexuelle. On ne vit pas dans une partouze perpétuelle, les choses permises ou possibles sont même relativement restreintes. Le porno intervient ici comme un défoulement psychique, pour équilibrer la différence de pression. Mais ce qui est excitant est souvent embarrassant socialement. Rares sont ceux et celles qui ont envie d'assumer en plein jour ce qui les fait grimper au rideau dans le privé. On n'a même pas forcément envie d'en parler avec nos partenaires sexuels. Domaine du privé, ce qui me fait mouiller. Car l'image que ça donne de moi est incompatible avec mon identité sociale quotidienne. Nos fantaisies sexuelles parlent de nous, à la façon détournée des rêves. Elles ne disent rien de ce que nous désirons voir arriver de facto. Il est évident que beaucoup d'hommes hétérosexuels bandent à l'idée de se faire mettre par d'autres hommes ou de se faire humilier, sodomiser par une femme. De la même façon qu'il est évident que beaucoup de femmes mouillent à l'idée de se faire violenter, gangbanger ou baiser par d'autres filles. On peut également être gêné face au porno justement parce qu'il révèle qu'on est inexcitable, alors qu'on se rêve en chaudasse insatiable. Ce qui nous excite ou pas, provient de zones incontrôlées, obscures, et rarement en accord avec ce qu'on désire être consciemment. C'est tout l'intérêt de ce cinéma de genre, si on aime lâcher prise et perdre connaissance. Et c'est tout le danger de ce même cinéma si justement on a peur de ne pas tout contrôler. On demande trop souvent au porno d'être à l'image du réel, comme si ça n'était plus du cinéma. On reproche par exemple aux actrices de simuler le plaisir. Elles sont là pour ça, elles sont payées pour ça, elles ont appris à le faire. On ne demande pas à Britney Spears d'avoir envie de danser chaque soir qu'elle se produit sur scène. Elle est venue pour ça, on a payé pour voir, chacun fait son boulot et personne ne râle en sortant « je crois qu'elle a fait semblant ». Le porno devrait dire la vérité, ce qu'on ne demande jamais au cinéma, technique de l'illusion par essence. On demande précisément au X ce qu'on craint de lui, dire la vérité sur nos désirs. Je n'en sais rien, moi, du pourquoi c'est à ce point excitant de voir d'autres gens baiser en se disant des saloperies. Le fait est que ça marche, mécanique. Le porno révèle crûment cet autre aspect de nous. Le désir sexuel est une mécanique, guère compliquée à mettre en branle. Pourtant, ma libido est complexe, ce qu'elle dit de moi ne me fait pas forcément plaisir, ne cadre pas toujours avec ce que j'aimerais être. Mais je peux préférer le savoir plutôt que tourner la tête et dire le contraire de ce que je sais de moi, pour préserver une image sociale rassurante. Historias de vida real.